dégages, je vais tout ça, c'est le passé. Est-ce qu'on va songer? Gagne fois nous te parler. Les nous décisions autour les deux et nous te enlacer. Ni à présent la nouvelle grandit. Et c'est vous que moi choisi. Vous permettez pour nous pévivre. Est-ce qu'on va songer? Gagne fois nous te parler. Des fidélités et vous pensez. Tout ça s'est dérangé. C'est un love qui a senti en dit de moi, enfant que moi. Je remuerai ciel et la terre pour te garder haut dans mes bras. Et tu verras comment la vie est faite pour nous vivre à deux. Et quand tu n'es plus là, oh, c'est triste pour moi.